Fumée a été un livre mythique de ma jeunesse, mais London dans l'ensemble me laisse froid. J'adore Don Quichotte, les nouvelles exemplaires m'ennuient. Je suis passionné par 4 ou 5 livres célèbres de Stevenson, le reste me semble une curiosité aimable. Même Proust, je préfère relire La Recherche que lire Jean Saint-Œil. Même chose pour Au-dessous du volcan ou Les Hauts de Hurlevent, mon intérêt ne passe pas au-delà. Par contre, j'ai souhaité avoir tout Dickens, tout Bernard. Quand j'ai découvert Brautigan, j'ai tout lu et il est mort. C'était merveilleux, j'avais bouclé. Malheureusement, la mort d'un auteur n'arrête pas les publications, au contraire, et ce sont tous les fonds de tiroir qui sortent. Ainsi pour Giono par exemple, sans parler des correspondances. Quand je lis ou entends ce qui est intéressant chez Baudelaire ou Flaubert, Sartre, etc., c'est la correspondance, je ressens le malaise de qui découvre une perversité perverse. Say 12, but he's right. Je ne vois pas. Non, sans sic, j'aimerais bien, mais ce n'est pas facile d'évacuer le sens. Je crois être mené par deux systèmes, le jeu sur la langue et le lyrisme. Chacun d'eux séparément me semble vain et stupide. Mais si je peux habiller ma plainte d'un jeu sur les mots, elle me paraît supportable. Si telle trouvaille verbale peut se farcir de sentiments, elle devient comestible. Je suis un lyrico-comique, mais je pleure de plus en plus. Connection. quelques revues dont l'existence m'importe ou m'a importé. La tête de l'âne, le pilon, la corde raide, M25, l'invention de la Picardie, le grand hors-jeu et ses antécédents, décharge, la main de singe, bulle, j'en oublie sûrement, mais pas beaucoup. Il me faut d'abord avouer que je n'aime pas la poésie. Je n'en lis que contraint et forcé par moi. En me forçant, il m'arrive de tomber sur quelque chose qui me plaît, mais l'ensemble d'une revue traditionnelle me rebute absolument. Ce que je crains dans la poésie, l'étalement de soi, le moi des autres, poids, le haut langage, l'incandescence portée à hauteur de mots, irréductible le poids d'amour, la trouvaille poétique, cette lande de langue, la clameur ensoleillée, le tunnel en loque de la nuit. Je prends mes exemples dans une page ouverte au hasard d'une des revues que je suis en train de chroniquer, en espérant que l'auteur ne lit pas de décharge. J'aime quelques poètes, Jacques Reda, Follin, J.P. George, Christian de Goutte, Val Prémy, Jean-Claude Martin, par exemple. La liste ici n'est pas du tout exhaustive. Le revuisme, de plus en plus, je souhaite travailler dans mon coin. J'avais trouvé un beau titre pour une revue à faire, K-Phare, K majuscule, plus loin F-A-R, la revue qui cloporte de la poésie. et toute la misère du monde sur mes épaules. Je tenaillais ma chair jusqu'à ce qu'elle jute et j'expiais tous ses péchés, l'ange rédempteur. Jean-François Charpin. Well, Toulouse. Donc là, la presse, les caméras, la télévision, tout ça, je peux pas les encadrer. Donc, comme je dis toujours, c'est des moucs à bras. Commandant, ouais. Pas de brin, pas de mouche. Ouais, mais là, c'est... Hein. Alors, mon commandant, bon rapport? Pas de mouque, pas de brin, Carpentier. Maintenant, on sert au secret. Sometimes, but I can't imagine being angry with you. dream come true. No matter where I go, all roads lead just to you. Yeah, I'm a nightmare. Go out, madame. No, we're all right, thank you. Je peux vous aider, hein? No, we're everything's under control. Yes, sir. Thank you very much. Hygiène. Oh, bon. Bon, on y va. Allez, chez les BAI, le carpentier est vite fait, là. Il tire sur tout ce qui bouge, là-bas. Allez, hop. Oh, tabarnak. Il t'a vrai, il a pété un poulon, là. Ça va où? Roger. Your call is folded to suit your upright nature. Must not remind you to recharge your pager. Exercise your right to censor. Exercise your right to censor. I made my response to the stand just full of luck. I heard you reach your P.O. box, and that's a surprise for you. You're a tool, a means to their success. You're just coming in fives on skips like you and me. Exercise! Vous voyez, Carpentier, étant jeune, j'avais un rêve, c'était de monter à cheval. Ah, bah, peut-être que Monsieur Le Bleu va vous laisser monter. Vous en pensez, Monsieur Le Bleu ? Ce sera possible. Avancez, avancez. Ah, putain. Ah. Et pourquoi vous ne me répondez pas ? Non ? Gendarmerie nationale quand même, donc, hein ? Une enquête, là, c'est du sérieux. Ah, parce que là, il y a quand même plusieurs morts, donc... Non. Et pourquoi vous me répondez pas ? Clouds hung hugely and oppressively. want six. One, two, oh, 1-7. 1-1-8-1-6. Monuments of their estate that deepens in this heavy rain. As the sea begins to rise, you leave us pennies for our eyes. 1-1-8-1-6. 1-1-8-1-6. 1-2-0-1-7. 1-1-8-1-6. Soleil d'hiver, la neige sur les montagnes, le goût bleuté d'une rose que le givre a surprise. La brume et la nuit où ronronnent encore d'immenses projecteurs au sodium. J'arrive à Madrid. Plus tard, je dirai comment. J'ai fui sous les bombes merdeuses. Je m'ébroue, on s'accroche. Je regarde le jour se lever sur l'interzone pelée qui recouvre l'abri nucléaire de la Moncloa. J'ai besoin d'écrire et ressusciter. Je suis venu avec 10 livres, à peine plus, une machine à écrire et chérie. Je me remémore Burroughs, un écrivain, ça écrit. Mektoub, c'était écrit. Et le problème d'un écrivain, c'est d'abord de générer la continuité de l'exception. L'exception qui consiste à écrire un jour, pour de vrai, sans raconter de salade, et poursuivre, en dépit de tout, en s'attendant au pire. Et Céline, dans les très vieilles chroniques, on appelle les guerres autrement. Voyage des peuples. Et les Portugais. Vivre n'est pas nécessaire, naviguer est nécessaire. J'arrive pas à commencer comme eux. Je patauge. Je saute sur le début du voyage, puis du festin, nine. Je feuillette approche, drogues et ivresse, et c'est Dostoïevski qui cause de Londres. Les femmes ne le cèdent en rien aux hommes et s'enivrent tout comme eux. Les enfants courent et se traînent parmi eux de tous côtés. Thank you. Donc, vous voyez derrière moi des léments. Un topo de Janonis, là. Excité, là. Comme des boucs à bras. Hein. Commandant, mon commandant. Putain, c'est quoi tous ces boucs à bras, là, dans le bagnole, là? Grosse moto, petite quéquette, hein. Ah, une petite fille qui s'intéresse à la gendarmerie, bah, c'est bien, ça. Qu'est-ce que tu veux, à la gendarmerie? Hein? Putain, pion. De la merde, donc elle est passée ici, nom de Dieu. Je reviens à Madrid et c'est mauvais sang qui me ramène à la raison. Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller. Tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tué, Rimbaud. We'll be right back. demander si ma dernière vie s'était arrêtée, surprise en plein vol au-dessus des collines de boue, étincelle, suie, ferraillissant, juste au-dessus de la base de Dien Bien Phu. Encore un souvenir sans marque réelle, la chanson me tourne la tête. J'ai envie d'écrire un livre sans savoir par où commencer. Le jour, la nuit. Madrid, la France, l'Indochine, la Virginie du Sud ou la Russie. Quand on a pris le parti des Rebels et d'Hannibal au début de l'enfance, tout s'ensuit, jugeait lucidement Scott Fitzgerald. Id est. L'affaire a mal commencé, la conclusion ne saurait qu'être sombre, mais quand même, on n'arrive pas à s'empêcher d'imaginer élégante façon de s'esbigner du cloaque et pour toujours ne rien laisser derrière soi. réside face au nord, dans la clarté du froid sec, pulmonaire comme l'hiver du soleil. Je caresse Chéri dans l'ombre palatiale du presque mauvais goût madrilène, celui-là même qui garde la saveur aux lèvres de l'histoire comme afin de distraire la passion d'un objet qui aveugle. We do not. C'est encore Paris. Je me lève avec une dorsalgie. Mauvaise intuition. Elvire m'applique la solution chinoise. Je mets le cap sur les fronts de Seine, direction la 7, coupe au-dessus du fleuve, passe devant le hameau d'Auteuil où jamais dame ne me fit plus bel hommage. C'est à Arletty vers 87 ou 8 qui prend mes doigts entre les siens, ausculte les dessins de l'ossature, les cartilages où la chair s'arrondit, qui garde un peu le silence, puis susurre de sa voix claire d'élégante aveugle revenue de rien. « Oh, mais vous avez des mains comme Céline !» Sur ce, nous avions grimpé jusqu'à son petit studio boire le champ. I'm not going younger, and it's a short drive to an accident. I'm not sure when we'll get there, just be patient. Oxygen waning, and someday we'll have to fight for it. Devoted to wasting, a love that's not fair. I have a feeling Colorado's air is not worth breathing now. I quit when I was 30. I quit when my baby girl was born. Quit again at 40 bells. New Year farewells. The track on the next one is something I can't look forward to. Something to slow the synapse. Something to do with my feeling Colorado's air is not worth breathing.